Tout à l'heure. En tout cas, c'est terrible. Allô Benoît, est-ce que tu nous entends? Allô Benoît, Benoît, Benoît. Allô mon petit Benoît, Benoît qui est fatigué. Et là, ça va mieux? Allô, allô, allô, à l'huile. Ah, c'est terrible. Allô Benoît, Benoît. Thank you. Allô, l'ambiance du bus. L'ambiance du bus, c'est comment? Allô. Allô, il parle plus fort. T'es encore en Italie? Ah ouais, on t'entend très mal, mais parle plus fort. Jump. De la rétro, encore de la rétro, ce qui n'empêche que l'agenda Galaxy, les nouvelles sont d'aujourd'hui et on vous parle tout de suite d'un tournoi de Bourg, la deuxième rencontre des Trois Saints organisée par l'entraide sportive Waterloozienne et les sociétés de Bourg de la Saint-Joseph, Saint-Liévin, Saint-Paul est programmée le samedi 16 décembre à 16h dans la Bourloire du Bonfraisier de Waterloo. On y sera. Elle opposera les équipes de la Saint-Paul, Gilbert Thieffry, à la Saint-Joseph, Claude Delmarquette. On vous conseille fortement d'y aller. Exposition au Frénois jusqu'au 17 décembre, au Frénois de Tourcoing, Londres, Bombay, des rencontres, des expos, des conférences, des visites guidées gratos le dimanche de 15h à 19h. Programmation complète au 03 20 28 38 00. Et à noter également le Téléthon qui fêtera ses 20 ans, donc ce vendredi 8 et le samedi 9 décembre. Ce sera partout en France. Et rendez-vous par exemple ce week-end-là à la salle Georges Dalle de Tourcoing, aussi sur la Grand Place de Tourcoing, également du côté de Waterloo, dans tous les établissements scolaires, associations et bénévoles. Apporteront leur aide. Les animations, des défis vous y attendent également tout au long de ce week-end. Pour plus d'infos, 03 20 26 72 38 ou le programme des manifestations disponible sur téléthon.fr. Dans l'immédiat, vous partez du côté du standard de Galaxy. Vous allez faire un petit tour par exemple du côté de La Bûche vendredi en compagnie de Silver 6, Frank G, Steven, le Captain. Il y aura Mad Chrissy D, le détour à Lille en compagnie de Hughes, Joyce et Dreadless. La Jozo vendredi, Christian Sims, Girls, Alice, Fredoche, Beat Ben, Le Bliss, 6PO, Jérôme B, à La Bûche, Franck J, Chronique, à l'Escape, Alex Tellez, Yogi, il y aura Huggy, Kevin, Dave, Luc, à La Jozo, samedi, Paul Nasca, il y aura Chris, Simei, Johan, Le Colosso avec Marco Remus et Quick et Smart, Matt Mata, Manu Kenton, Max Walder et DJMD. Il n'y a que des M. Ah, c'est terrible, ça, j'avais pas remarqué. Il n'y a que des M. Ah bah voilà, en plus, le retourne, ça fait un W à l'envers. Et le Pulse Factory samedi en compagnie de Laurent Top que l'on a entendu hier. Bravo Laurent, franchement ça m'a ramené quelques années en arrière. On va dire quelqu'un. C'était il y a 18 ans, 19 ans. Oh là là. En compagnie de CP, qui n'est pas un tout jeune non plus, Michael Forza et Andrew, en compagnie de George et de toute la team. On vous conseille également d'aller faire un petit tour du côté des discothèques ou alors de rester calé 95-30 avec une superbe rétro. Et je te dis, samedi ça va. Déjà ça grave toute la semaine, mais alors samedi ça va graver encore plus. Ah, ça va être grave de grave. Oh, je le dis, c'est grave. Magnifique, bienvenue, vous êtes dans les 4 premières personnes, vous nous appelez 0320-83-57 deux fois et vous gagnez votre entrée. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences, t'appuies sur 10 et tu niques la touche. I hope you trick this as seductive as mine. I know you're gonna dig this. I'm sur Galaxy. T'imagines, c'est le vrai Bézu. J'ai emmené le chanteur Hervé Villard au Boccaccio. Hervé Villard au Boccaccio. Tout le monde s'éclate. Oh, la cololo. Les meilleurs moments de l'émission, ce samedi, dès 21h. free. Set you free. Let me get to the easy. Give me a mic and I'll set you free.

envoyé en l'air. Willy, c'est une fois dans ta vie. Vas-y, mets la sauce. D'un héros de notre époque. Tout petit déjà était curieux, malin, éveillé, certes, mais aussi le chéri de ses dames. Ça fait mal, on est jaloux, mais c'est le chéri de ses dames. Faut dire qu'il est plutôt pas mal. Willy. Vous avez tout compris, j'ai pas besoin de vous la refaire. Time Stretcher presents Hiroshima. Hiroshima.

moment de la bande FM hier soir, Monsieur Hervé U. Ah, on va l'appeler Monsieur Hervé U maintenant. Franchement, fantastique. Les soirées Remember of Past ici en direct live sur Galaxy tous les mercredis à partir de 21h. Et hier, c'était le summum. Ah, moi je dis, c'est grave. Ah, c'est grave, Herbouze. Ah, moi je dis, c'est fabulous is marvelous. C'est comme ça, quoi. On va remercier encore une fois toute l'équipe de Galaxy. Et d'ailleurs, on va leur dédier ce titre pour... vous prouvez notre amour pour la relève et la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un petit souvenir. C'est quelque peu dépassé. On était jeunes, on était très jeunes. C'est à l'époque où je piquais le poste de mes parents pour aller écouter Caroline et on regardait un petit peu les dessins animés à la télé. Allez, on se tait, on écoute. Willy de Galaxy. Yo yo yo. J'aime bien Willy de Galaxy. Willy de Galaxy. J'aime bien Willy de Galaxy. Galaxy. Willy, tu me rends fou. Allez hop, chanson. Radio Poubelle. Oh là là. Un petit instant, s'il vous plaît. Allez, excusez-moi. Allez. Ah ouais, bon. La personne, si elle veut bien me rappeler, s'il vous plaît, dans quelques instants, lorsque j'aurai terminé mon article. Elle vous souhaite un beau joyeux de Pâques. Les meilleurs moments de l'émission, ce samedi, dès 21h. Joyeux anniversaire. Merci. Ce soir, Boris est chez lui. Il a éteint toute lumière. Il a son petit pantalon à pattes d'ef, rouge, pompe blanche. Ce soir, attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soirée disco. Oh, Galaxy, c'est super, c'est super cool. Oh oui, Galaxy, un peu plus. Ils ont pas appelé ce soir, ils s'en foutent. Voilà. Il est dans le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, go, go. Chez Boris, ce soir, entrée 15 balles gratuit pour les filles. Chez Boris, ce soir, poule à facettes, pantalon pas de def, spotline, c'est soir un disco. Bonsoir. Allô, Je peux plus me passer de vous. Vous êtes ma radio la plus folle, la plus dingue. Je vous écoute, je vous admire depuis toujours. Vous êtes les seuls envoûteurs, les seuls envahisseurs de la planète. De Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Monsieur de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes. Monsieur de Chavannes, you are going to pay. Monsieur de Chavannes, de Chavannes, de Chavannes. Monsieur de Chavannes, you are going to pay. C'est calme. C'est calme. C'est calme. Glace. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. Non, non, c'est moi. Bon. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Enfin, c'est absolument une horreur totale. Monsieur de Chavannes, vous avez une émission à scandale. C'est un scandale. Je vous trouve un petit peu hargneux quand même. The French Touch. fruit. Une enfant, elle, très belle, très belle. Quelque part dans la ville, elle et moi. Avec elle et moi, ça nous rappelle de bons moments. Ah bah ouais, bah mieux. Fabulous, fabulous, is a marvelous. Tout beau. Alléluia. Plus tu écoutes Galaxy, moins tu deviens blaireau. Je le dis, vous allez pouvoir jouer et gagner, en tout cas on l'espère pour vous, votre entrée pour aller faire un petit tour du côté du Bliss, la bûche, le Captain, l'Escape, le Colosso et le Pulse Factory. 03 20 83 57 deux fois. Vous êtes en tout cas dans les 4 premières personnes, ça booste, ça grave. Si vous voulez, le standard est en train de fumer. 03 20 83 57 deux fois, c'est tout de suite. Galaxy. Galaxy. Don't stop music. Allez, vas-y, appelle la radio. Si ça marche pas, tu recommences. T'appuies sur bis et tu niques la touche. Techno.

We'll be right back. Ça booste un max ici dans les locaux de la radio cet après-midi. Bah, tout à l'heure, vous retrouverez Stéphane, suivi de Tony, suivi de Guillaume à partir de 17h, en compagnie de Guest, en plus à partir de 20h, le spécial délire en compagnie de toute la team. À commencer par Jérémy Hubert, il y aura Olivier Curtis, il y aura Guillaume Plein d'invités également. Il y aura ce soir HS, Fifi, Johan, les souvenirs de At The Villa. HS, il va nous montrer des fesses. Ce soir à partir de 23h, ce sera grave. Ce sera grave. Et cette nuit, ce sera Ice, Connie, Jem, Manhattan. Et ce sera encore plus grave. Ça va me plastiquer dans les chaumières, je le dis. En tout cas, dans quelques instants, Stéphane Roche, de la bonne musique, de la bonne musique et plein de cadeaux. Vous nous appelez 0320 83 57 deux fois. Vous désirez partir du côté des clubs. C'est simple. Le Bliss, la Bûche, le Captain, l'Escape, le Colossal, le Pulse. Et on remercie tout de suite nos partenaires intergalactiques en commençant par nos disques. Salut Michel, salut Bruno. Le Racing Club de Lens, Rigandmania, Mackenzie, Manny Kenton, Madrix, L'Âge de Zoo, Airplay, Norway et Yannick Obdoraffel d'ADM. Et je le dis. Oui. Signé Willy Poussin. Ah ouais, c'est de mon surnom il y a très longtemps. Depuis, je suis devenu un coq, mon gars. Hey, avec des belles plumes. Tout de suite, 0320 83 57 deux fois pour la discothèque de votre choix.